Le choix de la thématique de l'année, précisément. Bon, vous avez le programme, vous êtes déjà au courant, évidemment, on va travailler sur les collectifs vidéo et les expériences militantes qui se déroulent en France pendant la période que l'on a appelée celle de l'entre-deux-mai, donc dans les années 70, entre 1968 et 1981. L'arrivée en France, vous le savez, des premiers magnétoscopes portable coïncide avec mai 68 et l'invention d'une pratique de vidéo guérilla qui va ériger ce nouveau médium en instrument de libre expression et de contre-information sur les luttes ouvrières, internationalistes, écologiques, féministes, homosexuelles et d'autres. C'est cet ensemble d'abord que nous avons décidé d'étudier, d'analyser dans un premier temps parce que précisément ces pratiques militantes ont eu tendance à être davantage mise à l'écart, moins étudiée que l'art vidéo. Le lien, par ailleurs, évidemment, avec nos champs de recherche, au moins pour trois d'entre nous, est assez évident. En termes de sources, alors vous avez promis un bilan des sources disponibles. C'était un peu ambitieux, étant donné la courte durée de cette séance de deux heures. Donc on n'a évidemment pas le temps de faire ici un bilan complet. D'abord, en plus, on en serait totalement à l'heure actuelle incapable, puisqu'il y a beaucoup, évidemment, de sources à repérer et qu'on en est encore qu'au début nous-mêmes. Disons que je me contenterai de citer quelques ouvrages et revues, ainsi que des articles. Évidemment, les travaux universitaires, les catalogues de collectifs et de festivals, les brochures, etc., sont également à explorer. Côté ouvrage, je citerai un ouvrage collectif qui est issu des rencontres qui se sont tenues aux journées du cinéma militant à la Maison de la Culture de Rennes en 1977, 78 et 79, qui s'appelle « Cinéma et politique », dans lequel nous avons un certain nombre de références faites à la vidéo militante. C'est donc une source qui va être très importante et récurrente tout au long du travail qu'on va mener cette année de séance en séance. Bien sûr, mais je n'ai pas commencé par cet ouvrage parce que j'adoptais un ordre chronologique. Vidéo la mémoire au point, parmi les sources imprimées, est probablement et même assurément la source principale. Ensuite, je citerai, puisque je dois faire une sélection, un troisième ouvrage très important, donc d'Yvonne Mignot-Lefebvre, Communication et autonomie, audiovisuel, technologie de l'information et changement social, dans le cadre duquel elle revient. Yvonne est juste devant moi en plus, sur sa pratique au sein du collectif Vidéo 00. Là, je viens de citer trois titres. Évidemment, nous allons vous mettre les références en ligne. On y pensait avant de venir, il faut qu'on crée un blog. On fait tout un peu à l'envers, vous l'avez compris. Donc évidemment, ces références-là, vous les aurez, on vous les redonnera par la suite. Du côté des revues, il y a un certain nombre de sources qui vont nous être extrêmement précieuses. Deux revues spécialisées sur les questions de la vidéo. L'une qui s'appelle Vidéo Info, qui commence par être un bulletin renéotypé à partir de 1972 et qui s'éteint en 1977, et qui est une source, une mine d'informations extrêmement précieuses, comprenant des informations techniques. Là, évidemment, les questions techniques vont être extrêmement importantes dans le cadre de ce travail. Et puis également un certain nombre évidemment de dossiers, d'analyses, etc. Et on y trouve, source extrêmement précieuse pour le travail qu'on va mener cette année, des catalogues de bandes vidéo diffusées en France, et ce, dès 1972, on y reviendra à partir de la prochaine séance. Une autre revue très importante, c'est Sonovision, puis Sonovision Hebdo, qui connaît une parution extrêmement importante, très conséquente, surtout évidemment quand il s'agit d'une parution hebdomadaire, pendant 10 ans, entre 1971 et 1981. C'est une mine d'informations pour le travail qu'on va mener là encore cette année. Évidemment, les revues autour des cinémas militants vont être aussi un repère important, une source importante. La revue Écran, cofondée par Guy Henbel entre 1972 et 1979, puis Cinémaction à partir de 1978, et enfin Filmaction, qui ne connaîtra que deux numéros, mais dont le premier sera spécifiquement consacré à la vidéo des années 80. Il se trouve que c'est une édition, c'est une publication, pardon, de 1981 et qui permet finalement d'établir déjà un bilan de la décennie qui vient de s'écouler autour de la vidéo militante. Ensuite, nous aurons un certain nombre de sources. On vous distribuera en fait les semaines suivantes des photocopies, des choses comme ça. On va rester en lien. Là, c'est un peu. C'est une séance de travail un peu foutraque, mais on vous donne déjà quelques points de repère et après donc vous aurez des photocopies et puis un certain nombre d'éléments mis en ligne. Donc un numéro extrêmement essentiel aussi, Cinéma d'aujourd'hui, le numéro 5-6 paru en 1976 autour du cinéma militant et qui comprend toute une section autour de la vidéo militante, source extrêmement précieuse. Bon, je ne vais pas énumérer d'autres éléments. Je dirais juste que, là encore, évidemment, les sources écrites vont être capitales, sauf que nous avons des problèmes d'accès à ces documents. Les sources, les archives, en fait, autour des cinémas militants et de la vidéo militante sont extrêmement éparpillées et sont, somme toute, essentiellement des archives personnelles. On en a relativement peu dans les institutions de conservation ou même dans les associations qui conservent par ailleurs des bandes, vidéo ou des films militants plus largement. Je signalerai quand même, puisque Anne-Marie me l'a dit la semaine dernière, que tu viens de déposer à la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou, quand même, 5 à 6 caisses de catalogues de festivals. Voilà, donc ce sera une source. Pour toi, c'est assez lourd. Voilà. Donc là, c'est un arrivage important, évidemment, en termes de sources. Ça concerne tout, justement tous les catalogues, tout, vidéodoc et plein d'autres choses. À une échelle aussi, en plus, internationale. Complètement internationale. Le pré-programme de l'année, il a circulé. Je ne vais pas non plus le détailler, puisque vous avez les informations des axes qui vont être abordés séance par séance. Nous n'avons pas encore fait figurer les noms des invités. Et pour cause, tout n'est pas encore complètement fixé et beaucoup sont aujourd'hui dans la salle. Donc tout à l'heure, on fera une mise au point. La méthodologie de l'ensemble du séminaire, vous l'aurez comprise. Il s'agira bien de confronter des récits de témoins et d'acteurs, d'actrices, des documents filmés, écrits, etc. De procéder donc à un croisement afin d'essayer de produire également de nouvelles sources, puisque la démarche de ce séminaire qui est enregistré, c'est également de produire, de fabriquer de nouvelles sources orales.